Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Thomas Lomal. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast d'Amis 30 Glorieux, je suis déjà en train de rigoler, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. La NEF, c'est la banque éthique coopérative que vous commencez à connaître si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, puisque c'est le partenaire depuis plusieurs années des 2030 Glorieuses. Je vous le redis quand même, si c'est la première fois que vous écoutez l'épisode, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Pour plein de raisons, parce qu'elle est coopérative et en fait oui, elle appartient à ses sociétaires, parce qu'elle est éthique, puisqu'elle met en avant le circuit court de l'argent, parce qu'elle est transparente, puisqu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Je dis vite, non pas parce que j'ai envie de me débarrasser de cette intro, mais parce que j'ai vite envie d'arriver à l'interview avec Thomas, mais je dis quand même merci à la NEF, parce que c'est vrai que c'est elle qui me permet d'interviewer plein de gens, plein de projets qui participent activement aux 2030 Glorieuses. Bref, moi je suis fier que ce soit la NEF qui me finance et qui me soutienne. Soyez-en fiers aussi, on pourra peut-être d'ailleurs en reparler, Thomas, on verra. Je suis fier en tout cas de te donner la parole, Thomas. Toi, tu es le fondateur, cofondateur, CEO, on va en reparler, d'OE, mais c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn. OE, c'est la marque activiste du vin. Ensemble, on va parler de plein de choses, du rôle de l'entreprise pour faire changer la société, d'ambition, d'imperfection et surtout de régénération du vivant, avec plein de choses qu'on entend en ce moment sur ce sujet, avec parfois des choses à garder, d'autres à questionner. Au moins, pour commencer cet échange, Thomas, ça y est, je me recentre et je te pose la question. Porte d'entrée du podcast, signature diront certains. Tu rencontres quelqu'un dans un événement. Tiens, j'étais au déjeuner d'Impact France, j'ai rencontré des personnes qui ne me connaissaient pas. Et t'es arrivé la question, ah ouais, toi tu fais quoi dans la vie? Et tu réponds quoi maintenant? C'est une dure question. Je réponds que je suis papa, marié avec Claire, on a 4 enfants. Et je réponds que je suis acteur du changement, je suis entrepreneur. Depuis 10 ans maintenant, avec François-Xavier, on a cofondé OE, OE pour œnologie. Et je réponds que je crois que par l'entreprise, par l'entrepreneuriat, on peut faire le bien. Vraiment, j'y crois profondément et on voit plein d'exemples dans ce sens-là. Et c'est ça que je veux vivre au travers d'OE. Et souvent, je raconte cette histoire d'une femme que j'ai rencontrée il y a longtemps, qui était en fin de vie, et qui me dit « je ne regrette pas le mal que j'ai fait, parce que grosso modo, j'ai rien fait de vraiment mal, mais je regrette le bien que je n'ai pas fait. » Et ça m'a vraiment marqué en perso et aussi en pro, en me disant bah, ça veut dire quoi pour une entreprise aussi de pas seulement faire moins mal mais aussi de faire plus de bien. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'entreprise? Et c'est ce qu'on essaie d'explorer au travers d'OE. On va parler des nouvelles croissances. Ça fait longtemps que j'ai envie de te donner la parole, Thomas, et à la fois j'étais un peu emprisonné dans la première vie du podcast 2030 Glorieuse, dans cette idée des métiers. Je savais pas trop comment te donner la parole. Là, on va parler des nouvelles croissances, mais quand même, je ressors un peu mon ancienne casquette, mon ancienne rhétorique en disant CEO, Thomas, on est encore CEO en 2030 Glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est comme ça que tu te présentes sur LinkedIn. Si tu devais te donner quand même une étiquette à ton métier, à quoi tu contribues? Comment tu le donnerais à voir avec des mots un peu plus 2030 glorieuses? Bonne question. Je sais que je suis créatif, je sais que je suis entreprenant, j'aime prendre des risques aussi et j'aime passer de 0 à 1. Et je pense que mon rôle chez OE, au-delà du terme de CEO, c'est vraiment ça, d'aider l'équipe dans la vision qu'on a long terme et aussi de être cranté, passer de 0 à 1, imaginer autre chose, penser autrement. Parfois, les chemins qu'on éprouve, les chemins classiques déjà faits, ils sont les bons. Mais parfois, on peut juste penser autrement ou se poser des questions un peu folles que j'aime bien nous poser. Comment on peut payer nos vignerons bien mieux? Comment on peut financer bien mieux la restauration de la nature? Comment On peut faire du réemploi sur un monde où ça n'existe pas. Enfin, voilà, toutes ces questions-là qu'on pourrait explorer. J'aime bien poser ces questions-là et je pense que c'est mon rôle au sein d'OE d'aller agiter tout ça. Quand j'étais gamin, je regardais pas mal les dessins animés, notamment sur Canal. Tu sais, t'avais le diable de Tasmanie. Ouais. Tu vois, le diable de Tasmanie qui arrivait, qui passait, qui tournait en un Taz. Exactement. Je te vois un peu comme ça, le trublion de l'entrepreneuriat. Ça bouge à chaque fois qu'on se voit. Il y a 10 000 nouveautés. Empêcheur de tourner en rond, empêcheur de détruire en rond. Peut-être que ça t'irait bien. On va en reparler. Toujours est-il que... tu contribues à des choses, tu parles de régénération du vivant, de plus en plus d'entreprises elles disent qu'elles sont régénératrices, régénératives. Moi je dis en tout cas que notre époque actuelle elle est décroissante de plein de choses, on pourrait en parler longuement et que les personnes à qui je donne la parole, elles contribuent justement aux nouvelles croissances, aux nouvelles abondances. Du coup, à quelle décroissance toi de notre époque tu t'attaques et vers quelle croissance tu veux nous amener? Raconte un peu les deux faces de la pièce s'il te plaît. Décroissance... Il y a plein de choses néfastes que je veux voir décroître et on fait notre max pour essayer de les voir décroître. Très opérationnellement, chez OE, il y a tous les déchets, il y a des choses humaines. Alors, je ne sais pas trop comment les mentionner, mais tu vois, je sais pas, le burn-out, là, ce truc de ne pas être à sa place, pas user ses talents. Ça, on n'a juste pas le droit, je pense. Tout le côté pesticides, nous, dans le vin, le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé et on voit qu'on peut arrêter ça, vraiment. D'autant que c'est un produit de luxe, dans le sens non nécessaire. Et donc, à quoi bon pourrir la planète pour un truc pas nécessaire? Tout ça, on veut le voir décroître. Et après, à l'inverse, dans ce qu'on veut voir croître, s'il y a un truc, je pense, s'il y a quelque chose autour de la joie, je vois qu'en mettant nos talents au profit de causes qui nous tiennent à cœur, il y a une grande joie à faire ça. Ce qu'on veut voir croître, c'est de la circularité, c'est de la biodiversité, c'est concrètement des vers de terre, enfin... Voilà, il y a des choses comme ça très tangibles. C'est aussi des métiers dans les régions, des métiers peut-être plus pauvres dans un sens, pas au sens financier, mais des métiers où on met son cœur, on est dans la terre. Enfin, ça, c'est tellement magnifique, tu vois. Et croître en émerveillement, peut-être aussi, ça, je pense, c'est une richesse énorme. Tu l'as dit, on va peut-être revenir un peu sur cette première partie. C'est vrai que vous luttez un peu contre le gâchis de ressources et ressources donc à tous les niveaux. On rentre et c'est ce que je viens de faire il y a quelques minutes, dans l'entrepôt d'OE. C'est peut-être votre seul entrepôt d'ailleurs. On a deux entrepôts. Vous en avez deux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit pas ce qu'on verrait dans un entrepôt classique, des palettes entourées de films plastiques par milliers et plein de cartons et plein de ressources. On voit des bacs réutilisables, on voit des produits presque nus, on voit des bouteilles sur les affiches qui n'ont pas ce qu'on imagine d'habitude avec les bouteilles, à savoir le petit opercule de métal et tous les trucs qui sont en fait des déchets et dont on peut se passer. Comment vous avez fait la guerre et raconte-moi, même si c'est vraiment quelques mots et que tu l'as déjà beaucoup dit, comment on vous a regardé d'eau en vous disant mais en fait le zéro déchet dans le vin c'est impossible, et comment maintenant vous en y êtes presque venu à bout de ce déchet dans le vin? Donc oui, on a 10 ans, il y a 5 ans on a lancé la consigne, le réemploi, et on était les premiers dans le vin. Et vraiment on m'a dit, et on égale des grands du vin, on m'a dit mais c'est impossible, ça ne marchera pas, la filière vin n'est pas structurée pour ça. Dans un sens c'était vrai, pour autant c'était faux parce que maintenant ça marche très bien et on le fait d'une très belle manière. Et effectivement ce qu'on a fait c'est screener tous les déchets, tout, et après voir pour chaque déchet est-ce qu'il est dans un sens nécessaire, quoi, parce que légalement il le faut ou je sais pas quoi, ou bien est-ce qu'on peut trouver une solution, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour le cutter, etc. Et en fait, en faisant cet exercice-là, en mettant toute l'équipe dans ce thème-là, quoi, sur le front, eh bien, on a réussi. Et là, vraiment, on envoie nos bouteilles à tout, par exemple, tous nos restaurateurs, c'est là où ça marche le mieux. Les bouteilles sont réemployables, les étiquettes viennent de déchets recyclés, il n'y a plus de capsules effectivement sur la bouteille parce que ça ne se recycle pas, les encres sont végétales, on envoie dans des casiers qui sont réemployés, il n'y a plus de film plastique autour des casiers, il y a une coiffe qui est consignée. Donc vraiment, c'est le schéma le plus clean. On ne peut en vrai pas faire mieux. On essaie de livrer on a essayé de la péniche, on a livré à la voile aux US, etc. Donc même sur le transport, on essaie d'être le plus bas possible en carbone, quoi. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux et en même temps, je n'aime pas m'en satisfaire. Il reste toujours des plastiques ici ou là, il reste toujours des, tu vois, entre nous et des fournisseurs, entre, donc sur l'ensemble de la chaîne, maintenant on essaie de s'atteler à la chaîne, quoi. Je vous imagine trop l'équipe, tu sais, un peu comme dans une vieille série policière, oui, mais esprit tellement. Criminel, avec le gros panneau et puis tous les déchets identifiés avec les fils qui sont reliés entre les photos, tu vois. On va s'attaquer à ça et ça d'où ça vient, un peu les enquêteurs. Mais quoi. Tu vois, un truc cool, notre imprimeur, il livrait des rouleaux d'étiquettes à notre embouteilleur. Et ben on lui a demandé, il est livré dans un film plastique pour que ce soit bien propre, quoi. Et ben on lui a demandé de l'enlever. Personne ne le voit, c'est vraiment c'est rien en termes de poids de déchets. Et ben il l'a enlevé pour nous et du coup pour tous ses fournisseurs aussi, tous ses clients. Et donc on voit qu'on peut remonter la chaîne comme c'est ça. C'est pas que pour vous, ça montrer, contamine aussi un peu les relations aux autres clients, c'est ça que tu dis. Exactement. Et puis finalement, moi c'est ça que tu dis en intro qui me plaît bien, c'est en fait mais pourquoi? Pourquoi, tu vois, pourquoi on continue? Pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et oser poser parfois la question sur quelque chose qui tient normalement de l'évidence, bah, ça permet de se lever et de se dire mais c'est vrai ça, pourquoi? À un moment, la décision, peut-être qu'elle valait le coup, peut-être qu'elle a été prise pour des raisons qui, en fait, souvent ne tiennent pas, mais toujours est-il qu'on peut se sentir libre de au moins la reposer et de décider à nouveau si ça nous appartient ou pas. Ouais, et j'adore poser ces questions-là, justement. Prendre une évidence, dire, bah, est-ce que vraiment elle est nécessaire? Et rechanger, et régulièrement, on se dit, bah non, en fait, c'est nécessaire, on avance, mais... Et donc, du coup, bah, posons des questions qui fâchent un peu plus, là, Thomas. Pourquoi vendre du vin à une époque où c'est un produit inutile, on sait les dérives de l'alcool, on sait à quel point c'est pas quelque chose qui fait du bien, vous êtes dans une entreprise supposément régénérative, et finalement, vous vendez quelque chose qui est quand même, in fine, mauvais pour la santé. Bonne question, j'aime bien ça. On vend du... Oui, d'autant qu'on a déjà dû te la poser, j'imagine. Ouais, mais pas, en vrai, pas tant que ça, parce qu'on vend du vin, parce qu'il y a du vin, donc ils font produire, enfin, la question se pose pas trop, justement. Je te dis ça, mon père en a des centaines de bouteilles dans la cave, moi j'en ai aussi, je pense, quelques dizaines maintenant. C'est un plaisir pour moi, quand je pars en week-end, d'aller trouver le vin qui est à côté, de ramener une bonne bouteille, et forcément, évidemment, bio, etc. Donc tu vois, je te pose une question que je me pose à moi-même à travers ça. En fait, moi, j'ai rencontré François-Xavier qui, lui, bossait dans le vin et voulait monter un projet dans le vin pour justement promouvoir les plus petits viticulteurs ou une viticulture plus durable, plus positive. Et moi, je voulais monter une boîte à impact sans précisément savoir laquelle. Donc, au début, on s'est retrouvés là-dessus et j'adore le sujet vin, à la fois parce que y a tellement de problèmes, décarbonation, transport, réemploi, tout ça, et ce sujet de pesticides. Et à l'inverse, vraiment la filière vin peut être aussi partie de la solution parce que c'est des hectares et des hectares de terre, c'est magnifique, c'est du savoir-faire absolument génial dans les territoires, etc. Et après, moi j'avoue que on vend du vin et je le vois pas 100% mauvais, et en revanche je pense qu'il faut être très très conscient des limites du sujet, et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait lancé les essences d'OE qui sont des essences d'alcool issus des plantes qui régénèrent les domaines OE, pour justement être dans tous les moments de joie avec ou sans alcool. Parce que notre but, c'est pas de promouvoir l'alcool ou promouvoir toujours plus de vin, etc. On veut pas être dans cette croissance-là, justement. Je t'en ai là, en fait, parce que sur la table, là, derrière mon ordinateur, et ça, c'est le dernier projet que tu m'avais présenté quand on s'était vu il y a quelques semaines. Et donc, c'est pour ça que je t'appelle Taz. À chaque fois, je te pose la question de « Alors, comment ça va ?» Des fois, vous savez, c'est un peu... Je m'adresse à vous, les auditeuristes, c'est un peu la question automatique. « Alors, comment ça va ?» Mais en fait, quand on pose cette question à Thomas Lemal, « Comment ça va ?» Il y a plein de « Ah, bah alors, en fait, en ce moment, on a lancé ça, et puis tu sais pas ça, et puis... Bon, c'est un peu secret en ce moment, mais quand même. Et puis, tiens, je t'ai ramené. » Et donc, la dernière fois, tu m'avais ramené un soda botanique. Raconte-moi un peu d'où ça vient, et puis en fait j'aimerais bien que ça nous amène sur la partie qui pour moi est la plus intéressante, c'est celle justement de comment vous contribuez à régénérer et qu'est-ce que vous régénérez du coup. En fait on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe si on tire notre business model au max, est-ce qu'on veut absolument que tout le monde boive du vin tout le temps? Bah pas forcément. À côté de ça on s'est posé la question de comment on peut mieux restaurer la biodiversité, régénérer, etc. Et en recroisant tout ça, on a vu qu'il faut planter des plantes pour régénérer les sols et la biodiversité. Il faut planter des haies, il faut planter des arbres ou des plantes en interrang entre les rangs de vignes, je veux dire. Et donc de ces plantes aussi, bah, venez, on va faire des sodas botaniques, des infusions pétillantes issues des plantes qui restaurent la biodiversité. Et donc c'est des compléments de revenus pour les agriculteurs, c'est des bouteilles qui sont réemployables, c'est bon pour la santé parce que c'est des infusions et ça fait juste plaisir de boire autre chose que des sodas habituel. C'est ça, comme si c'était facile. On appuie sur trois boutons, paf, on a un soda botanique. Il a fallu parler avec les vignerons, les convaincre, mettre en place la logistique. Puis après, bah, du coup, faire ces infusions. J'ai entendu dire que les Pères Chartreux avaient mis à disposition leur matériel pour que vous fassiez ce travail. Oui, on fait ça dans une distillerie des Chartreux, qui sont hyper bons, eux, sur les plantes, etc. Donc, absolument impressionnant. Enfin, en vrai, c'est 2 ans de travail. Là, finalement, je le sors un peu rapidement. Mais c'est notre réponse sur le sans alcool. On voulait pas faire de vin sans alcool. On veut que tout ce qu'on fait soit vraiment vrai. Notre baseline, c'est le bien par le bon. Et je crois vraiment que le beau, le vrai, le bon, le bien, tout ça, ça converge. Et on voulait pas faire de faux vin. Et donc ça, je trouve, c'est une belle réponse qui à la fois restaure, à la fois fait du bien, à la fois est circulaire. Enfin, quelque chose d'assez complet. D'où ce mot de essence, parce que essence de plante, puis c'est l'essence d'Oé. C'est vraiment le cœur d'Oé de prendre soin et des personnes et de la biodiversité. Ouais, tu me permets de justement donner ce S à régénération, parce qu'en fait on parle de régénération du vivant, mais c'est régénération des vivants, j'ai l'impression, dans ce que vous attaquez, parce qu'à la fois tu l'as dit, il y a les sols, donc les vers de terre, on a envie de revoir la biodiversité, tu parlais de plantes, il y a aussi la régénération des humains qui travaillent dans cette filière, souvent abîmés, en ce moment très chahutés. On le voit en plus avec les enjeux géopolitiques mondiaux qui affectent notamment le vin. Raconte-moi un peu ces deux régénérations, comment tu les mènes, comment tu lèves les obstacles et pour l'instant, pour quel bénéfice ? Parce que le mot régénération aussi, il est utilisé parfois comme une évidence, mais en fait, ce qui se passe vraiment de mesurable, de positif, c'est quand même très loin d'être évident. Moi, régénération, j'entends... prendre soin, préserver, passer d'une situation un peu dégradée ou un peu vulnérable à une situation meilleure. Et vraiment, je veux qu'on la travaille chez OE et sur l'humain et sur l'aspect, on va dire, biodiversité. Sur l'humain, je trouve magnifique. On a la chance de pouvoir travailler la question du handicap en interne. Et c'est tellement de, j'aime pas dire bénéfice, mais tellement génial en fait d'être au contact de la vulnérabilité, de richesse, ouais. D'une certaine faiblesse, mais qui est tellement riche. Et je trouve qu'elle nous met les pieds sur terre et la présence du handicap au sein des équipes, je sais pas, nous apporte énormément de joie, de simplicité, de terre à terre, de pourquoi on se bataille. Enfin, ça, c'est absolument génial. Donc ça, c'est dans vos locaux, c'est avec vos équipes. Ça, c'est... Je crois que tu me parlais aussi du sans-abrisme à un moment, non ? Ouais, ouais. Donc nous, on a une personne avec un handicap. On avait une deuxième, mais qui a réussi à partir et c'était tout le but. Et l'idée là, c'est qu'on accueille une personne SDF. Et il faut juste que l'assurance... on est en train de changer d'assurance, donc c'est un petit peu plus long que voulu. Mais ouais, l'idée, c'est de mettre notre bureau à disposition d'une personne sans-abri. Donc ça, c'est prendre soin. Et prendre soin, c'est aussi des équipes ici. Reste un peu deux secondes là-dessus. Tu le dis encore une fois comme si c'était évident, mais vous le mettez à disposition parce que on imagine les locaux utilisés dans la journée. Et en fait, à un moment, il y a une sorte de roulement, de rotation. Le créneau horaire se libère et donc il y a une personne qui normalement était censée passer la nuit dehors qui en fait va bénéficier de vos locaux. Exactement. Et donc l'idée, c'est qu'à 19h, c'est l'heure qu'on a fixée, elle puisse venir. Elle a l'accès ici. Et on a une salle qui est un peu derrière nous, là, où il y a un lit et une lampe, parce qu'il faut, puis il y a une douche un peu à côté. Donc c'est assez simple pour une entreprise de mettre ça en musique. Il faut juste que l'assurance valide ça. Donc on change d'assurance parce que la nôtre n'a pas validé. Et en fait, ça rejoint la réflexion qu'on a régulièrement de qu'est-ce qu'on a dans les mains et comment on peut le mettre au service du bien commun. Et j'adore cette question-là. Et après, on vient sur nos sujets de régénération. Mais on a tellement de choses dans les mains qu'on ne voit même pas ou qu'on sous-estime. Et donc, on a des bureaux. Et ils peuvent vraiment servir à d'autres gens. Ou il y a une association qui n'a pas forcément de bureau pour réunir des gens. Ils peuvent venir profiter ici de la salle de réunion. Ou on a, je sais pas, des déchets qui peuvent être une richesse pour d'autres gens. On a des talents, des compétences, on a du temps. Enfin, on a en fait tellement de choses qu'on peut mettre au profit d'eux que ça, si on s'en rend compte, mais c'est tellement puissant, quoi. Et dans toute la circularité, c'est vraiment une des clés. C'est de voir qu'est-ce qu'on a dans les mains ou autour de nous. Donc ça, c'est Lyon 7, rue de Gerland, tout ce qui se passe là, comme ça, dans les locaux et sur les terrains. Donc il y a aussi tout le côté accompagnement des vignerons. Donc nous, pour les vignerons, effectivement, on les accompagne. Ce qu'on fait pour notre domaine, parce qu'on a un domaine en Vallée du Rhône, on essaie de le faire pour nos vignerons. On essaie de trouver des financements pour notre domaine. Et on les cherche aussi pour nos vignerons. On essaie toujours de travailler en écosystème, d'être transparent sur ce qu'on fait de bien. Typiquement, tout ce qu'on a dit sur le zéro déchet, on a fait un livre blanc sur le zéro déchet pour que d'autres nous copient. Même si ça me chatouille toujours que d'autres nous copient, en vrai, c'est une bonne chose. Et pour revenir sur nos sujets de régénération... Une dernière chose sur les vignerons, mais moi, ça m'intéresse de savoir quel est le besoin partagé, celui que tu vois le plus en commun chez les vignerons. Est-ce que c'est un besoin en accompagnement ? Parce que techniquement, effectivement, le zéro déchet, c'est pas évident. La régénération, tout ce qui est, tu parlais, planter des haies, etc., c'est pas évident. Et sur quoi ils se rejoignent ? Quels sont les angles morts qu'ils ont ? Et sur quoi, vous êtes particulièrement pertinent sur ces sujets ? Le premier besoin qu'on voit chez nos vignerons, qui sont des petits, indépendants, etc., c'est d'avoir de la visibilité sur leur chiffre d'affaires au bon prix, qu'on paye bien, enfin qu'on paye en temps voulu, etc. Donc ça, on essaie de le faire au maximum. C'est pas si simple parce qu'on n'est pas non plus une très grande boîte, quoi. Mais c'est vraiment le premier besoin qui est vraiment la base, okay, quoi. Stabilité. Ouais. Le reste, c'est plutôt de l'apprentissage. Eux, ça leur crée de la valeur parce que du coup, ils peuvent raconter des histoires plus grandes et puis montrer des labels, montrer des chiffres, etc. Mais donc le reste, nous, on essaie de les former, de les mettre en lien, de les cofinancer pour aller au-delà du bio, planter des haies, analyser les sols, avoir un plan de transition qu'après on pourra animer ou cofinancer. Voilà. Mais c'est de les mettre en mouvement parce que tout seul, ils savent pas forcément par quel bout prendre les choses. Ils n'ont pas forcément accès au financement, ils n'ont pas forcément accès à des réseaux auxquels nous on pourrait avoir accès. Ouais, et puis la journée est bien remplie. Exactement. En plus. Ouais. Maintenant on peut aller sur ce dernier sujet de la régénération, mais je me rends compte que tu vas vite, mais peut-être que tu es plus habitué aux interviews BFM en 3 minutes. Non, du tout, on peut vraiment prendre le temps. Non, on a le temps, ok. Non, parce que c'est le sujet aussi central, mais parlons-en. Alors, du vivant, pour quels impacts OE à la fin c'est quoi, c'est les vers de terre qui te remercient le plus, c'est Juste par exemple sur le, il y a toute la biodiversité, mais avant sur l'humain, on a parlé du handicap et des sujets peut-être plus, ou SDF, des sujets plus radicaux dans un sens, mais je trouve il y a aussi tout le sujet d'humain, juste de l'équipe, et je vois plusieurs facettes à ça. Il y a, tu vois, par exemple les transparences sur le salaire, on a un business plan partagé à tous, un drive, tout le monde a accès. Il y a, tu vois, remettre de la confiance quand on écrit une lettre aux actionnaires d'OE. Et l'équipe est en copie, il y a un discours. On essaie de façonner les conditions de la confiance, de la joie au travail. On a créé plein de petits moments d'équipe, ou des one-one, ou des happy Monday, on appelle ça une réunion d'équipe, ou enfin voilà, des moments comme ça, une randonnée d'équipe, 2 jours, on va dormir sous la tente, etc. Tous ces moments-là, ils forgent une culture de boîte et aussi de la confiance. Aussi, si tu as besoin d'aide, toutes les semaines, tu as des branches possibles auxquelles tu peux t'attraper. Et ça, je pense, ça contribue à un nouveau business model aussi, d'entreprise peut-être plus bienveillante, pas forcément moins performante, mais plus bienveillante, plus attentive aussi. Et j'imagine que c'est aussi moins de personnes qui sont en train de partir, rentrer de l'entreprise en permanence, ouais, parce qu'elles s'y sentent bien, et peut-être des personnes qui restent en fait, qui vous font confiance, qui évoluent. Et il y a quand même cette image de l'entreprise qui est un peu un pré-citron, et je te pressurise la tête, et après tu partiras et t'iras en face et on te pressurise à la tête. Il y a un peu ce cliché là de l'entreprise, et je pense qu'on peut contribuer à un nouveau modèle d'entreprise qui est où les employés sont heureux, enfin juste l'équipe est heureuse d'être là et joyeuse, et c'est cool, et chacun a ses étés et ses hivers, et pour autant dans tout ça on navigue intelligemment, quoi. Mais ça fait partie aussi, je trouve, de la régénération, même si c'est moins visible parce que c'est l'équipe qui a moins de Finalement déjà plein d'impacts positifs. Et toujours est-il que quand on creuse un peu votre communication, vous vous présentez comme à visée régénérative, comme si c'était un objectif à atteindre, mais quelque chose d'un peu inatteignable à court terme. Pourquoi cette prudence alors ? Je dirais pour deux raisons. On ne veut pas du tout fanfaronner, et vraiment on est à visée. On voit en fait, plus tu avances, plus tu vois tout ce que tu ne fais pas, et vraiment on est loin d'être parfait. On essaie de mettre sur le site des choses qu'on aimerait faire, qu'on ne fait pas encore, etc. On fait notre max, mais tout ça, ça prend un temps monstrueux. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vise, mais on n'y est pas aujourd'hui. On n'est pas à 100%. On a encore du plastique, on a encore des déchets, on a encore des... toutes nos vignes ne sont pas toutes à 100% dans le plan de régénération qu'on pourrait générer ou mettre en musique. Donc, vraiment, c'est à viser et on veut être très humble là-dessus. Très ambitieux, mais très humble. J'aime bien cette posture-là aussi de... Si tu sers des causes qui te dépassent, tu dois être ambitieux. Mais tu dois aussi, enfin, ça t'amène aussi les pieds sur terre à rester très humble. Dernière question, parce que on racontera votre plan de régénération, s'il aboutit, s'il commence à se diffuser, à quoi ça ressemble. Donc, on ira en 2030 glorieuse. Mais tu vois, tu parles de cette ambition. Moi, c'est un mot que j'utilise souvent, et je trouve qu'il est souvent contrebalancé, voire un peu tiré vers le bas par la quête permanente de perfection de notre société, individuellement, collectivement, économiquement, je ne sais pas, mais dans l'entrepreneuriat peut-être. Et je trouve que être ambitieux, c'est pas chercher la perfection. Enfin, en tout cas, ça peut ne pas aller ensemble, et qu'au contraire, c'est un peu embrasser son imperfection. Toi, comment tu marches un peu sur cette ligne de crête ? Est-ce que on peut terminer cette première partie là-dessus ? Et dis-moi comment tu fais cohabiter ces termes, et comment tu arrives à, de temps en temps, pas te sentir intimidé face à la montagne de tout ce qu'il y a à faire, le fait que tu n'y arriveras jamais parfaitement et que vous y arriverez jamais parfaitement, mais que c'est ok et que ça peut pas légitimer votre inaction. Je trouve qu'elle est dure cette question pour moi, parce que je suis assez idéaliste et j'aime bien voir un peu l'utopie ou l'idéal, et puis après comment on peut y tendre, et en même temps je trouve très cool d'être de partir du réel, partir d'aujourd'hui et voir ce, vraiment se observer ça, voir ce qu'on fait pas assez bien, là on n'arrive pas à craquer le truc, et c'est ça qui nous permet d'être créatif aussi. Et si tu dis que t'es déjà parfait ou déjà, je sais pas quoi, je pense que tu perds la créativité, tu perds la hargne, tu perds le mouvement, quoi. C'est pour ça qu'on se dit aviser, et on veut vraiment voir grand et en même temps être très réaliste sur nos imperfections, nos défauts, nos difficultés, nos challenges, et je trouve très sain de se voir comme ça. Et peut-être c'est aussi quelque chose qui nous démarque dans le fabuleux monde LinkedIn de la perfection, etc. Mais ouais, de dire là on n'arrive pas. Moi ça me paraît assez normal d'aller demander de l'aide, d'aller... Ouais, juste mentionner ça, mais on me dit que ça l'est pas. Le jour où tu arrives en me disant ça y est, on a réussi, c'est fait, je te reçois à l'interview. Oui, exactement. On va aller en 2030 virus, Thomas, j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble du coup ce monde régénéré. Mais on a toujours une petite bulle, une respiration qui part d'un cadeau que nous fait l'invité à travers une lecture. Et donc toi, tu as sur tes étagères tout un tas de livres qui en fait renferment une des visions des 2030 glorieuses, des petites bulles, des fenêtres vers les 2030 glorieuses. Ça y est, le livre est ouvert, il est posé sur la table face à toi. Qu'est-ce que tu vas nous lire et qu'est-ce que tu as choisi, s'il te plaît? C'est pas facile comme question, d'autant que je lis peu de romans, j'en suis aperçu avec ta question. J'ai choisi le livre Anti-Chaos de Mathieu Dardaillon, qu'on a invité dans le podcast cette année, si ça vous intéresse. Mathieu qui a cofondé Ticket for Change. Moi aussi, je passais par Ticket for Change et je pense que je lui dois beaucoup. Et son dernier bouquin est franchement génial. Et c'est un passage sur cultiver la joie. Et j'ai choisi ce passage parce que, en fait, je me suis posé la question sur tout l'aspect, justement, régénération, circularité, etc. Un des passages que je voulais prendre dans un autre livre, c'était plutôt autour de la terre et de la circularité dans la nature. Et en même temps, je me suis dit, le fruit de tout ça, et je pense qu'en 2030 glorieuse, on aura le droit, ou ce sera naturel, ce sera comme ça, mais c'est autour de la joie. Et je vois la joie qu'on a à faire simple, la joie qu'on a à faire pauvre quand on part juste marcher, faire un feu de camp en équipe, etc. Et donc, je pense que c'est un vrai driver. Je trouve que la joie, elle rend possible bien des choses, quoi. Et elle est accessible vraiment à chacun. Et donc, il y a quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'être riche ou pauvre pour être joyeux, mais chacun peut l'être, quoi. Cultiver la joie. Cela peut paraître contre-intuitif par rapport à la gravité des enjeux, voire sembler égoïste. Le monde fait face à des défis sans précédent, de changements climatiques aux inégalités croissantes, et il faudrait cultiver la joie. Mais oui, c'est une conviction. Il nous faut réhabiliter la joie. La joie est un moteur durable, une lumière dans les temps sombres. Je tourne la page. C'est un esprit, un état d'esprit qui n'est pas facile d'entretenir au quotidien, mais qui est si précieux. Cultiver la joie est pour moi le dixième et dernier principe de ce livre. Et petite parenthèse, ça m'a marqué le cultiver la joie, parce que nous on cultive la vigne et je pense qu'on peut cultiver la joie. Effectivement, on en parlait du coup en équipe lundi matin. Apprécier le chemin. Les mots de Jean-Jacques Goldman résonnent particulièrement. Je me rends compte que souvent on a des buts très précis, on a des rêves, et une fois qu'on arrive à ce but, que tu as la chose que tu espérais dans la main, tu te rends compte que finalement, ce qui a été le plus palpitant, la chose la plus belle à vivre, ça a été d'y aller. Nous nous concentrons bien souvent sur la fin, le but est d'arriver au bout de quelque chose, d'atteindre un résultat et d'optimiser sans cesse le chemin pour y arriver. Lorsque nous sommes à l'école, le but est de faire de bonnes études. Lorsque nous faisons de bonnes études, le but est de décrocher un bon métier, etc. etc. Mais faut-il réduire la vie à cela? Pour Alan Watts, philosophe britannique, la vie serait une chose musicale et nous sommes invités à chanter ou à danser pendant que la musique est jouée. Nous n'allons pas à un concert pour écouter la note finale. Le but de la danse est la danse elle-même. Quel que soit le contexte, profitons du chemin. Sinon, à quoi bon? Avoir une vision est nécessaire car elle nous donne un cap pour avancer dans la bonne direction. Mais ensuite, ce qui compte, c'est l'expérience que nous vivons, ici et maintenant. Apprenons à cultiver la joie sur le chemin. Thank you. N'en dis pas plus. C'était parfait. Merci Thomas. On va partir en 2030 Glorious. Ça y est, en fait, on y est déjà. Les 2030 Glorious, je les ai décrétés dans ma tête il y a 5-6 ans maintenant. Et elles diffusent aujourd'hui largement à travers un atelier, à travers des méditations, à travers un service utopiste. On pourrait en parler pendant des heures. Mais surtout, et en fait, depuis le plus longtemps, à travers des conversations qu'on a avec des gens comme toi qui, selon moi, font déjà partie des 2030 Glorious et qui, pourtant, parfois, je m'en rends compte, n'ont pas vraiment fait ce travail. Je sais pas s'ils se sont autorisés, je sais pas s'ils avaient besoin d'aide, je sais pas s'ils n'ont pas pris le temps, mais se dire, en fait, si un jour j'ai gagné, si j'ai réussi, s'il y a plein d'autres personnes comme moi, à quoi ça ressemble vraiment? Donc on va essayer de faire cet exercice ensemble, de dire à quoi ça ressemble vraiment. Ça y est, on est en 2030 Glorious d'ailleurs. Donc je te demande, s'il te plaît, d'en parler au présent. On n'est pas obligé d'être en 2030 l'année calendaire, on peut être en 2032, 2037. Tu peux le dire d'ailleurs si tu veux, tu peux le laisser comme ça aussi un peu planer dans l'air, comme ça les gens mettront la date qu'ils souhaitent. C'est vraiment, vraiment pas quelque chose d'important, cette histoire de date, même si ça revient bientôt, souvent, t'imagines, parce que de plus en plus on se dit mais attends, 2030 Glorious, c'est comme Sport 2000, tu vois, bref, je tergiverse. Et donc on va décréter, ok, on essaie de pas utiliser le conditionnel, le futur pour les 2040-2050 Glorious, on décrète, on raconte. Je pense que personne viendra te dire hey, Thomas, je t'ai entendu parler là dans l'épisode 2030 Glorious, ça c'est pas encore le cas, tu nous as menti. Peut-être que dans quelques années il y a des gens qui reviendront en disant mais on en est où? Tu t'es trompé? Non, c'est un exercice, c'est pas grave. On essaie de donner une image, on essaie de donner envie. Comme disait Saint-Exupéry, on donne le goût de la mer. T'es parti? En avant. Alors là, l'exercice est un peu difficile, mais je vais te demander de mentaliser un endroit dans lequel tu te retrouves, où il y a une fenêtre. Je te dis ça parce qu'on est dans une salle de réunion sans fenêtre. Je sais pas où t'es là, tu vois, dans tes 2030 Glorious, mais si tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois déjà en 2030 Glorious? Bonne question. Je vois un jardin et je m'imagine dans une belle maison avec un beau jardin vivant avec des gens qui y sont, qui y travaillent peut-être, d'autres qui y jouent. Moi j'ai 4 enfants donc je vois aussi des enfants pour le coup dans le jardin, mais c'est peut-être bref. C'est marrant parce que je pense qu'à 99% les personnes, quand ils me racontent la première chose qu'ils voient en 2030 Glorious, c'est du vert. C'est de la nature, ouais. Il y a peut-être un truc à imaginer par rapport à ça. Donc du vert partout et du bruit d'enfants. Et d'ailleurs, nos villes sont aujourd'hui imaginées à hauteur d'enfants. Tu te souviens qu'à l'époque, c'était la place à la voiture. Moi, je me rappelle terrifié à l'idée de sortir en ville parce qu'il y avait plein de menaces pour les enfants. Aujourd'hui, on les relaisse un peu plus jouer. Ça fait du bien. Ouais, ils peuvent se balader où ils veulent, très simplement. Et je vois peut-être des gens aussi qui travaillent dans ce jardin, qui sont... Enfin, ou travaille à la terre, ou travaille aussi tu vois, sur une table qui tranquillement apaisé, souriant, qui travaille en équipe. C'est un peu ces choses-là que je vois. En 2030 Glorious, on est passé d'une économie de la prédation, une économie de la destruction, de l'accaparement, à une économie de la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble concrètement? Très concrètement, ça veut dire qu'on a quitté l'économie du passé qui est linéaire, où on prend, on utilise, on jette, à une économie où... On continue à utiliser des choses, mais tout se répare, tout se réutilise. Et maintenant, du coup, on arrive à bien identifier les besoins des uns des autres, les déchets des uns des autres, ou ce que les uns les autres n'utilisent plus. Et ce truc-là s'auto-alimente, s'auto-nourrit, s'auto-équilibre aussi. Donc quelque chose d'assez sain, en fait. Hyper circulaire, mais très simplement, très naturellement, en fait. La circularité, pardon, ça implique pour moi plein de choses. Ça implique déjà une créativité. Là, c'est plutôt les ingénieurs, les malins, les visionnaires qui ont réussi à hacker le processus de fabrication, le fait que ça soit plus facilement réparable, que ça soit fabriqué avec des matières compostables. J'imagine déjà cette première partie. Il y a ça, et il y a aussi des mises en lien, des choses qui existent déjà. Et typiquement, nous, par exemple, nos hôteliers, on est chez Accor Hôtel, leurs déchets sont compostés avec les alchimistes. Le compost, on met dans les vignes, dont on fait le vin qu'on sert chez Accor. Juste ça. La boucle est bouclée. Ça, c'était ce qu'on faisait chez Oué il y a 10 ans. Maintenant, c'est ça à l'échelle, quoi. C'est partout, en fait. On reboucle de tous les côtés, il y a des boucles, quoi. On récupère l'urine, on le met dans l'agriculture locale, dont on fait des légumes qu'on sert dans les cantines. J'imagine de la territorialité aussi. J'ai du mal à imaginer la circularité mondialisée. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de très ultra local, en fait, qui du coup enrichit les territoires, fait qu'il y a un ancrage beaucoup plus fort enraciné, en fait, au sens propre et figuré. Ça veut dire qu'on arrête de boire du vin du Chili, du vin de l'Argentine, du vin de Nouvelle-Zélande, comme en fait on boirait n'importe quel vin de France parce qu'ils sont juste à côté dans les rayons, ça marche plus comme ça ? Ça marche plus comme ça, et même à l'export, là où il y a 10 ans l'export c'était 60% du vin français, à l'export on boit des vins locaux dans les pays producteurs, quoi. Dans les pays non producteurs ce sera autre chose, mais... Et en fait c'est même ultra locaux parce qu'on boit majoritairement des vins qui viennent de chez nous, presque même qu'on va chercher directement au cul de la cuve. Hein, on va remplir les bouteilles, on fait ça. Vous vous êtes un peu donné à ça avec OE, la possibilité d'avoir du vin de table à nouveau de consommation ultra rapide. On réfléchit à l'ultra, on réfléchissait plutôt à l'époque à l'ultra local et produire sur place. Et en même temps, il y a des sujets de d'optimisation des productions, des volumes. Il y a quand même des deux trois sujets qui paraissaient impossibles, difficiles à lever à l'époque. Tu te souviens? Ouais, tout à fait. mais ouais, maintenant on est. Il y a une très grande valeur donnée au local et à la connaissance aussi. Et le local, c'est pas que la géographie, mais c'est aussi les personnes du coin. C'est les personnes qui. Ah, bah, ils sont aussi profs dans l'école des enfants, ils sont aussi coach du club de rugby du cousin. Enfin, c'est ça aussi le local. Et parfois, on perd un peu ce truc-là. Ou on perdait à l'époque ce truc-là. Et puis tu parlais en tout début d'interview du fait que le vin c'est du luxe, c'est potentiellement en fait inutile. Et donc on a aussi décidé de redonner à certains de nos produits leur juste place. Et donc le vin, le chocolat, les fruits exotiques, ça fait partie du rang du luxe ou pas? Et comment on donne de la valeur à ces choses qui en fait ont un vrai coût? Et ben maintenant 2030 glorieuse. Et bah, ces produits-là viennent vraiment célébrer des moments spéciaux. On a arrêté de voir des sujets luxueux comme des produits de masse consommation. On continue à utiliser des mots anglais dans nos phrases en 2030 glorieuse. Ah, c'est je sais pas. Quelques personnes voyagent parfois de consommation de masse. Mais effectivement, on mange moins de chocolat peut-être, mais on en savoure encore plus le goût et on sait d'où il vient et on sait qui sont les producteurs derrière. Est-ce que ce qui se passe dans ces forêts. Il y a peut-être une connaissance aussi maintenant du produit, de la chaîne, de la valeur de la chaîne qui est bien plus grande. Et la valeur donnée aux choses vient de la manière dont c'est produit, de la chaîne, de la cohérence humaine et environnementale de toute cette chaîne-là. Et tout ça, c'est bien tracé et bien compris aussi par les... Moi, en économie, je suis vraiment nul et j'ai besoin que tu m'expliques. Parce qu'il y a quelques années en arrière, quand il n'y a rien qui allait, la charge de la vertu, on la faisait porter presque plus au client qu'à l'entrepreneur, même si du côté des entrepreneurs, c'était déjà hyper difficile. Comment on a réussi à faire que la charge de la destruction, on la fasse porter à l'entreprise et qu'on allège, on simplifie, on accompagne celles et ceux qui font justement du mieux, du beau, du bon comme vous chez OE? En fait, à l'époque, la destruction elle était visible par ceux qui produisaient, parce que c'est eux qui voyaient les méfaits, quoi. Et maintenant, il y a une prise de conscience qui a été faite par l'ensemble de la chaîne. Et donc, cette chaîne peut s'asseoir ensemble et juste se dire, OK, on a dans nos mains ces causes-là ou ces problèmes-là. Comment on peut s'entraider? Qui peut prendre quoi? Qui fait quoi? Comment on se répartit la marge du prix de vente? Et en fait, on bosse beaucoup plus en coopération et en transparence. On n'est plus du tout dans « si tu gagnes, je perds », mais on est « comment ensemble on peut gagner ? Comment on peut créer de la valeur ensemble ?» qui soit pas que de la valeur de « je mets un tarif supplémentaire, mais je crée de la valeur. » Je crée de la valeur. Et ça, c'est une ambition partagée, c'est positif, c'est salutaire. Ça montre que l'humanité est enfin passée un peu à l'âge adulte en voulant du mieux, en voulant laisser une trace positive sur la planète. Il y a quand même... des encouragements, il y a quand même des incentives, comme on disait à l'époque. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est sur les taxes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place au niveau réglementaire pour faire en sorte d'encourager une meilleure consommation? Il y a clairement des choses qui ont été mises en place. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à déployer encore plus simplement votre travail? Je dirais deux choses nous ont aidés pour passer à la situation d'aujourd'hui. Un, c'est la loi. Parce que la loi est devenue au bon sens et on s'est dit, on prend les sujets avec de la hauteur et on pense pas, je pense par exemple au sujet des pesticides qui était un des énormes sujets il y a 10-15 ans. Sur le sujet des pesticides, quand tu prends l'ensemble de la chaîne, évidemment ça te permettait d'avoir des vins si on prend le vin, beaucoup plus accessible, donc beaucoup plus démocratiser ces produits-là, etc. Et en même temps, si tu prenais un peu de hauteur, bah, tu vois tous les méfaits sur la santé, sur les cancers, etc. Qui se payent à coups de milliards, hein, on parle. Exactement. Ouais. Et donc l'idée, c'est ce qu'ont fait les gouvernements, c'est de prendre de la hauteur, voir l'ensemble des causes et bénéfices et de statuer. Et donc maintenant, tout ça, c'est interdit. Donc ça, c'est les ministres du temps long qui nous ont beaucoup aidés à prendre de la hauteur. Tu sais, les gouvernements, maintenant, ils ont tous un ministre du temps long qui est capable de dire mais en fait, là, la décision qu'on prend à court terme, elle impacte notre futur à moyen, long terme. Et en fait, le coût-bénéfice est pas du tout rentable. Tout à fait. Et après, il y a des vraies incitations pour passer à l'échelle. Nous, par exemple, à l'époque, lancer le réemploi quand on est tout seul, bah, c'est pas rentable. Pas optimisé, il y a un enjeu de volume. Et donc l'idée, c'est d'inciter. Et donc il y a eu tout au long du chemin des énormes incitations pour passer sur le réemploi, passer sur le zéro déchet, passer sur des aides aussi pour replanter, recirculariser les choses et passer de 0 à 1 en fait. Et une fois que ce modèle-là est installé, je pense au réemploi par exemple, et ben, il ne s'arrête pas parce qu'en fait, ça a tellement plein de sens, c'est tellement optimisé, c'est même plus efficient que la machine est lancée quoi. Comment on voit tous les impacts positifs maintenant sur vos bouteilles de vin et pas que ? Moi, je me rappelle, tu sais, les anciennes... à l'époque, quand on achetait encore des cigarettes, il y avait toutes les images dégueulasses, là, des poumons, des trachées et tout, c'était horrible, tout ce que ça faisait comme souffrance. Est-ce que sur vos bouteilles, on voit au contraire toutes les images des vers de terre, des animaux, des gens qui sont régénérés grâce à vos produits ? Comment on marque visuellement les impacts positifs pour aider le consommateur à faire des bons choix ? Bah, y a peu de place physiquement sur la bouteille. Pour autant, il y a toute une expérience derrière les bouteilles pour aller découvrir vraiment tous les bénéfices, biodiversité, humain, etc. Mais après, au-delà de la bouteille... Vous faites des visites, il y a des documentaires, ouais, voilà, on donne à voir vraiment. Hein, y a des portes ouvertes de vos domaines, il y a tout ça. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une communauté qui vive tout ça, partage tout ça. Le vin, c'est la chance qu'on a, c'est que c'est pas tant la bouteille qui compte, mais c'est ce qui se passe autour de la bouteille, c'est les rencontres, c'est les discussions. Et donc, on a des communautés qui se saisissent de l'occasion de boire une bonne bouteille pour bah, continuer ce chemin, s'en émerveiller, voir comment ils peuvent aussi contribuer, voir comment localement dans leur communauté, ils peuvent aussi jouer le jeu, aller mettre la main à la pâte ou à la terre. Et tout ça, c'est très dynamique et c'est très local et en mouvement et avec très facilement la capacité d'aller aider quelqu'un, servir ici ou là en fonction de ses différents talents. Et comment vous montrez, comment vous calculez, comment vous mesurez votre indice de régénérativité, comment on le dirait ? Bah, il y a 10 ans déjà, on calculait tous les bénéfices du fait de passer sur les vins OE. Et donc, c'est les gains en eau, gains en déchets, gains en carbone, gains en surface en cours de régénération, de restauration, en hectare ou mètre carré. Donc ça, on le faisait déjà. Et maintenant, on va bien plus loin avec... plus d'humains, plus de chiffres, encore plus tangibles, et ce, sur absolument tous les territoires que nous, on arrive à toucher de par nos activités. Et donc ça, c'est on le voit sur... Je suis désolé, mais j'ai besoin de comprendre comment on le voit, comment vous le donnez à voir, surtout, et comment on peut comparer. Est-ce qu'on peut comparer... est-ce qu'il y a un indice de régénérativité ? Est-ce qu'on dit de régénération ? Je ne sais pas, mais j'aime bien l'idée de régénérativité, donc je vais garder mon mot, même s'il choque les oreilles de certaines et de certains. Est-ce qu'on peut comparer ça avec une chaussure ? Est-ce qu'on peut comparer ça avec, je ne sais pas, un fer à repasser ? Est-ce qu'il y a des indices communs ? Moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'économie. Est-ce que quand on voit... Voilà, les labels, les étiquettes, les marques avec leurs logos les uns à côté des autres. Est-ce qu'on a un classement ? Est-ce que vous faites partie comme ça du top régénérativité France, régénérativité monde ? Comment ça marche, tu vois ? Comment ça se compare ? Il y a 10 ans, on était au sein de Bicorp qui nous aide énormément, qui nous aidait beaucoup pour aller dans ces dynamiques-là. Et maintenant, il y a effectivement un score de régénération partagé à tous, un peu comme à l'époque, il y avait déjà le Nutri-Score. Et là, on peut voir les efforts et les fruits portés par les différentes entreprises ou différents produits, l'impact qu'ils ont, l'impact de régénération qu'ils ont, quoi. Est-ce que c'est plus sur l'humain ? Est-ce que c'est plus sur la terre ? Est-ce que c'est encore récent ? Est-ce que c'est déjà bien établi ? Et de voir le taux de négativité carbone de chacune des opérations que... Ça, c'est très tangible. On voit encore le coût carbone, on voit encore le coût en déchets. Il y a beaucoup plus de visibilité en fait sur les dessous du produit. Exactement. Et tout ça, on peut le voir avec une lecture que très très compréhensible quoi et très tangible. Là, on en parle comme si c'était évident et on se rend compte à quel point on a fait un chemin de fou. Il y a 10-15 ans en arrière, à l'époque, c'était le populisme, c'était la guerre. Comment il y a eu cette bascule, au moins au niveau français ? Est-ce que tu as comme ça un fait, un événement, une date marquante que tu avais envie de nous partager pour peut-être donner à voir comme ça des points de bascule qui auraient pu sembler anodins à l'époque quand on les vivait et qui en fait étaient hyper importants pour nous ? La bascule a été faite politiquement, une élection présidentielle d'un acteur qui a mis la société civile vraiment en mouvement avec vraiment authenticité quoi, et puissance, des votations à la Suisse aussi assez radicales et assez récentes, enfin assez dynamiques sur plein de sujets où du coup nous les citoyens on a pris la parole et on a pu aussi s'engager, creuser aussi ces sujets là parce qu'à l'époque on creusait pas tout et donc là chaque votation permettait d'aller creuser tel ou tel sujet. Et en fait, ça, en itérant, moi je crois beaucoup à l'itération de manière générale, en itérant, du coup, en 10-15 ans, ça a cranté un paquet de lois qui ont porté leurs fruits, quoi. Et qui sont pleines de bon sens, pleines aussi de terrain, et pas des trucs très, on va dire, politiques, quoi. Donc le politique a été il a été hacké, c'était un aidant dans cette bascule. Est-ce que maintenant qu'on peut le regarder d'un peu plus loin, le fait que il y ait eu cette menace comme ça avec tout le jeu de la guerre économique, les droits de douane qui allaient vraiment, c'était les montagnes russes. Est-ce que ça a aidé justement à se reterritorialiser, à se recentrer sur nos savoir-faire, sur nos communautés proches et donc à solidifier, à consolider une économie un peu plus apaisée, un peu plus de proximité ? Ça a été un vrai électrochoc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un monsieur orange là, qui faisait un peu des montagnes russes à tout le monde. Un télétobie. j'ai plus son nom, mais il y avait un gars comme ça. Et ça a été vraiment l'électrochoc. Et depuis, on a pris en compte la force des territoires, pris en compte les talents qu'on avait nous, et qu'il ne fallait pas forcément aller chercher au moins cher, le plus loin possible, mais peut-être plus localement, plus simplement, peut-être des choses plus durables aussi. Et en fait, on a vu tout le bon sens de ce qui à l'époque était appelé protectionnisme, mais qui en fait est du bon sens local, durable, quoi. Et ça nous a mis en fait un électrochoc de, ouais, je pense, de bon sens et nous a mis dans la ligne droite. Peut-être un réveil citoyen aussi, de dire que j'ai aussi un rôle à jouer, quoi. Ouais, je me rappelle qu'il y a eu à l'époque cet élan où on commençait à se dire, mais en fait, je vais boycotter. Et en fait, plutôt que boycotter, ce qui est effectivement un départ, on se rendait compte que surtout, en fait, on avait le pouvoir de valoriser. Et donc, en arrêtant d'acheter des produits qui nous indifféraient ou qui même, voire nous rebutaient, en fait, on allait vers des produits qui, en fait, étaient du coin, dont on connaissait les producteurs, les gens derrière, et puis, en fait, qui créaient aussi cette envie de filiation, tu vois, d'appartenance, ce sentiment d'appartenance qui est chouette, en fait. Ouais, il y avait aussi tout le sujet sur les prix à l'époque, hausse des prix, inflation, etc., qui a aussi reposé la question sur est-ce que ce que j'achète est nécessaire, est-ce que un bon minimalisme, est-ce que moins est mieux, est-ce que voilà, ces sujets-là, et donc d'acheter des produits dont on est fier, en fait c'est quelque chose qui est redevenu la norme et on en voit les fruits maintenant. Et puis l'accompagnement par les territoires, mais aussi par le gouvernement à travers les chèques alimentaires, tu sais, pour permettre aux plus démunis de pouvoir se permettre des produits locaux, des produits bio. Et puis à nouveau, les cours de cuisine dans les écoles pour savoir transformer les produits du coin, les produits de saison, éviter le gaspillage, utiliser les épluchures. Enfin, c'est des choses qui semblent tellement évidentes maintenant quand on en parle. Mais tout ça à l'époque, c'était bien lointain. Clairement. Et il y a dernière chose peut-être. Il y avait, une fois que les turbulences sont passées, il y a eu une vague de grandes démissions où les gens se sont dit mes talents, en fait, je vais vraiment les investir sur des boîtes, des projets, des assos, des dynamiques en lesquelles j'ai foi et qui construisent justement le monde qu'on voit aujourd'hui. Et ça a été un mouvement de bascule hyper fort parce qu'il y a eu un avant et un après, quoi. Vous croulez sous les CV, t'en as marre toi d'ailleurs, non? J'avoue qu'en ce moment, on est en train de recruter, ou à l'époque, il y a 10 ans, on recrutait et on était bien sous l'eau. Et c'est hyper dur ce sujet de bien retenir l'équipe, enfin, ou sélectionner les talents. Et d'ailleurs, toi, en 2030 Glorious, tu fais quoi? Tu envoies des CV ou tu mets tes talents au service d'autres personnes? Tu te vois dans l'idée de déployer, d'accompagner, de guider? Ou au contraire, tu te dis, c'est bon, j'ai bien bossé, maintenant je vais un peu lever le pied, je vais kiffer? Non, en 2030 Glorious, je prends le temps, et en famille, et prends le temps d'accompagner d'autres, d'autres marchés, d'autres univers où on n'a pas réussi encore à cranter, à trouver les solutions. Il y a encore des choses ou des industries où on n'arrive pas encore à circulariser, restaurer, régénérer, prendre soin, et peut-être trop de pression, trop de... Voilà. Et donc là, moi, je mets mes compétences là-dessus pour résoudre ces sujets-là. L'ouverture du ministère de la Régénération, ça te donne envie? Si on te proposait le poste, tu l'accepterais en 2030? Je ne sais pas si je serais le meilleur, mais si c'est moi qui suis le plus pertinent, franchement, avec plaisir. On revient, Thomas, en 2025, à l'époque du monsieur Orange. Ça me fait penser à l'agent Orange, en fait. Ça lui irait bien comme surnom, l'agent Orange. J'avoue. Je pense qu'il détruit encore plus que le vrai agent Orange, mais ça, c'est un autre sujet. La route, elle est un peu longue. Hein, si on imagine ces 2030 glorieuses qu'on a brossées ensemble, les 2030 glorieuses de la régénération, tout semblait très évident, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a mentionnées qui sont déjà en ferment à notre époque en 2025. Les personnes qui nous écoutent quand même se disent « Ouais, en fait, moi, j'ai plus envie d'attendre 2030, c'est trop loin, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'en faire mon quotidien. » Est-ce que tu leur donnes une perche, que tu leur tends une perche pour qu'elles puissent continuer, pour qu'elles puissent accélérer à la fin de cet épisode qu'on a ensemble? Ouais, je dirais trois perches possibles. La première, c'est vraiment en très perso d'être fier de ce qu'on achète et d'aimer nos produits, de vivre sobrement. Vraiment ce petit move perso que certainement beaucoup d'auditeurs ont déjà fait. Et on peut toujours aller un peu plus loin, donc allons dans ce chemin-là. Après, un truc plus pro, moi je crois vraiment à la force des entreprises ou des activités dans lesquelles on sert. Oser aller voir son boss ou le boss tout là-haut ou je sais pas qui et dire en fait, proposer un truc, proposer de la circularité, dire bah, je propose ce projet-là et franchement je vais le porter, mettez-moi 4-5e et je me réserve un jour pour faire ça. Enfin, oser un truc comme ça, je pense qu'on sous-estime le pouvoir qu'on a aujourd'hui pour être transformant dans nos entreprises, quoi. Est-ce qu'il y a un espace, tu parlais du livre blanc du zéro déchet dans le vin, est-ce que tu sais s'il y a une communauté comme ça qui travaille sur ces questions, il y a une porte d'entrée, il y a un guichet auquel on peut s'adresser? Je sais qu'il y a des communautés pour ça, mais j'ai pas le nom à ça. Ça dépend là, des secteurs en fait, c'est ça que tu dis? Je crois qu'il y a un mouvement d'employés qui veulent générer la transition au sein de leurs entreprises. Il y a Pour un réveil écologique qui fait ça, ils ont un manifeste, effectivement, ils accompagnent à l'intrapreneuriat, ils ont un carnet d'adresses, ils montrent sur le territoire qui s'engage, comment, donc il y a peut-être ça. Il y a sûrement ça, et il y en a sûrement d'autres aussi, mais en tout cas, une recherche sur le bon moteur peut-être de recherche. Peut-être que l'ADEME aussi a des bons tuyaux. Ouais, certainement. En tout cas, je pense qu'en tant que salarié, employé, on sous-estime le pouvoir qu'on a auprès des dirigeants, si je puis dire, etc., qui vraiment entendent, écoutent. Et un no-go d'un salarié, il vaut beaucoup aussi. Et on a le droit, on a le devoir même de... Enfin, c'est nos entreprises, quoi. Y a vraiment ce truc-là, je pense qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité-là. Et après, je pense aussi démissionner, mettre ses talents au profit d'autres boîtes. C'est pas si simple, parce que les boîtes à impact, aujourd'hui, il y en a pas tant que ça, et souvent, elles sont pas si grandes que ça. Donc, on manque d'espace pour recruter plus de personnes. Pour autant, mettons-nous en veille. Si on sent que son entreprise n'est pas au profit du bien commun, partons, franchement. Et si on sent qu'on ne peut pas la transformer, je veux dire, franchement, partons, n'hésitons pas, osons faire le pas. On est quand même en France où il y a quand même un matelas, on a cette chance-là en France qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Je trouve intéressant de se poser la question. Et tout le monde n'est pas en capacité d'eux, ce n'est pas le meilleur moment pour tout le monde. Pour autant, ceux qui peuvent le faire, bah, osons, je pense. Merci Thomas. Merci Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuse, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir.